Cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أخذنا في درسنا الأخير dans notre cours précédent, on a lu الأصل الرابع, la quatrième base, le quatrième fondement. ما هو؟ تفضل. وتعليما أحسنت الاهتمام بعقيدة السلف فالسني يهتم الاهتمام c'est se préoccuper, donner de l'importance, donner du temps. C'est ça l'asl, c'est cette aqida. Et dans notre درس de Al-Fatiha, on a cité des fawaïd في هذا. Cette aqida, elle est muhimma. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Connaître ma yata'allaq bi al-anbiya wal-malaika wal-rusul wal-kutub wal-qadr arkan al-iman al-sit et jami' abwab al-aqida. Fal-ihtimam bihada, c'est muhim. Wal-anbiya awwal da'watihim, le début de leur da'wa, c'était da'iman le commencement avec hada al-asl al-aqida al-tawhid. Ma dalil, qui c'est qui nous cite des preuves à la hada? Tfaddal. رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسنت. كذلك عندما تفضل. نعم, فاعلم أنه لا إله إلا الله. أولا العلم, العلم بهذه العقيدة. Et d'autres versets qu'il a cité. Il a cité des فوائد في التوحيد استفادها من الشيخ سعدي رحمة الله عليه. قال رحمه الله الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. Cinquième base, الاهتمام بالسنة. كذلك faire des efforts pour apprendre السنة et pour suivre as-sunna, pour appliquer sunna, pour appeler as-sunna. Al-din, il est fondé sur ces deux bases. Al-tawhid, al-aqida, ça c'est le premier fondement. Et le deuxième, as-sunna, al-amal bis-sunna. Et c'est l'explication et c'est le muqtada des deux shahadas. Ashhadu an la ilaha illallah, ay la ma'bouda haqqun illallah. Bien sûr, c'est fondé sur l'ikhlas, sur tawhid. Celui qui mérite l'adoration, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'abdi doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alabud min fahmi at-tawhid. Deuxième base, elle est fondée sur la deuxième shahada. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ay, al-mu'min ya'taqid anna muhammadan si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulun min Allah, c'est Allah qui l'a envoyé. Fa ya'taqid dhalik. Et ça implique al-muqtada, c'est qui doit le suivre. C'est ce fondement al-ihtimam bis-sunnati an-nabawiyya. Et on ne doit pas faire comme certains, s'accrocher à des choses où il n'y a aucun délil, par amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd an-nas, mathalan, ils montrent leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en accrochant son nom dans des cadres ila akhir. هذا السلف اللي faisait pas. Ça, ça montre pas. في الحقيقة المحبة c'est autre chose. بعضهم مثلا المحبة c'est fête son anniversaire une fois par an. Et ça c'est من البدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit d'inventer في دين الله عز وجل. Et ça c'est des inventions. Accrocher son nom, fêter sa naissance. بعضهم يظنون أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم c'est de lui demander. Quand ils vont visiter sa tombe, ils lui demandent. Et ça, c'est du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا, c'est من الفاظ العموم. Ça englobe les prophètes et جميع المخلوقين. Donc on n'a pas le droit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit هذا, d'exagérer comme ils ont fait النصارى مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. Donc c'est pas ça المحبة. لكن لماذا هؤلاء Ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui fêtent le Mawlid, ceux qui accrochent son nom, ceux qui... Haoula, à la base, ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Lakin, les mada, leur amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ces choses inventées. Al-jahl. Al-jahl, les shubha. Et ba'dahum, tellement que cette shubha et ce jahl, il a pénétré son cœur, il n'accepte plus al-nasiha. Pardon, il pense que celui qui ne fait pas la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a un naqs fil mahabba, ou il ne l'aime pas. A'iyadam billah. Alors que sa fille Fatima radiallahu anha, les sahaba radiallahu anhum, ses femmes radiallahu anhum, et a'immat al-sunnah, walillahi alhamd, ils n'ont jamais fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les personnes qui aimaient le plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi qui a poussé à Oulah? C'est le jahl ou le shubah. Et suivre les autres. Amma al-mahabbatu al-haqiqiyya, elle implique al-ittiba'. Celui qui aime une personne, il suit cette personne. Enfin, celui qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu verras, هذا في عمله, في سلوكه, في هديه. Tu verras son comportement, comment il s'habille, comment il parle, ses œuvres. أنه إلى من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فالسلوي كي يسعي دو رسومي أو بروفيت صلى الله عليه وسلم سواء في الكومبورتمون سواء في الأعمال سواء في الأبارونس هذا إن شاء الله إلى من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السلوي كي أم une personne إلا سوي. C'est pour ça que tu trouves بعض الفسقة يحبون بعض الناس que ça soit des sportifs, que ça soit des chanteurs, des acteurs, et ils ont un اتباع قوي في هذا. À Bardoum, ils les suivent. Maintenant, il va dans tel pays, il est Annahu, son modèle, il est parti dans tel pays, il s'habille comme lui, il essaie de parler comme lui. L'imam, il est Annahu Mahabba, il l'aime vraiment. Il essaie de se rapprocher de lui et de le suivre. Enfin, celui qui aime un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le verras, fi a'mal. Annahu, il fait tout pour faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et s'écarter des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdites. قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا c'est une des choses les plus importantes pour le muslim, de donner de l'importance à ce modèle. Un nabi صلى الله عليه وسلم c'est un modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا قال جل وعلا أسوة قدوة. C'est un modèle pour chaque mu'min. On doit donner de l'importance. للأسف on vit à une époque أن كثير من الناس ils donnent plus d'importance à هذا. بل عند البعض, si tu suis un Nabi صلى الله عليه وسلم, si on prend l'exemple l'apparence, فعند البعض الآن c'est devenu quelque chose de mauvais, ou ils ont des soupçons. لماذا؟ لأن الجهل, الجهل بهذا الباب العظيم. قال وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. celui qui veut الهداية c'est في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. كما بين الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن جميع الطرق مسدودة. Les voies qui emmènent à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala masdouda, elles sont fermées. Illa tariqun wahid, sauf un chemin, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut le hidayah, ta'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin pour obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut apprendre. Matalan, si tu veux obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment y manger? Enfin, tu dois apprendre, tu dois étudier. Les ulama, ils ont rassemblé des hadiths fi al-at'imah. Et comment il mangeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les nourritures qu'il a autorisées, les nourritures qu'il a interdites, le fait de dire bismillah, de manger de la main droite, de manger devant toi, il a akhir. Est-ce que tu peux manger couché, amla? Est-ce que tu peux manger debout, amla? Est-ce que tu peux boire debout? Tout ça c'est cité, fils sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, il faut donner du temps. Ça c'est le chapitre de manger. Thumma, tu as dormir, tu as boire, tu as comment faire salat, comment faire le hajj, il a akhir. Qala, وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. Ça ressemble au verset précédent. وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي التَّأَسِّي. التَّأَسِّي, c'est prendre comme modèle, ou prendre pour exemple. C'est le même mot que uswa, c'est la même base. قال التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. لا شك أن الإنسان مهما اجتهد il arrivera pas à être comme le Nabi صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الأمر c'est بالاتباع, c'est de suivre autant que tu peux. لا شك il y a des choses on n'arrive pas à faire, أحيانا on a des faiblesses, لكن avoir cette عقيدة on doit le suivre et on fait les efforts. أما البعض ils ont des choubas. Et يقولون مثلا ان on peut pas être comme le Nabi صلى الله عليه وسلم. بعضهم يستدلون ويحتدون بالقدر. Allah m'a décrété كذا, je fais, je suis comme ça. بعضهم عيادا بالله يقولون ان ça c'était pour avant. Tout ça c'est Iblis qui combat هؤلاء pour les écarter de هذا الاصل العظيم que Cheikh Abd Salam il a cité, l'ihtimam بالسنه. وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا في آية الأحزاب قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est lié avec le point d'avant, العقيدة, التوكل على الله, حسن الظن بالله, celui qui fait du travail في عقيدته في توحيده, tout ce qu'il y a à son cœur, inshallah il aura beaucoup plus de facilité à suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم. فالي دو فوندمون ils sont liés. فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجائه ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ce qu'on a cité dans le درس في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين, المحبة, الرحمن الرحيم, الرجاء, مالك يوم الدين, الخوف. Celui qui a ces trois points, qui a compris ces versets et qui fait des efforts sur ces trois choses, aimer Allah, espérer et avoir peur, inshallah ta'ala il aura beaucoup plus de facilité à appliquer les ordres et à s'écarter des interdits. وشرف المؤمن ومنزلته انما تقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلى أحق وأولى. هذا الميزان الحقيقي. الميزان أي سي كومون سافوار إسك الإنسان إسك سيت بيرسون الله يلام أم لا؟ إلي على الحق أم لا؟ سي با افيك لارجون. سي با افيك لي كونيسونس، سي با افيك كثرة الكلام، سي با افيك لو فيزيك. لا. سي بالسنة. فلهذا السلف بوغو الرجل حق الرجل أي النوم عندهم بمعنى الكلمة c'est celui qui suivait un Nabi صلى الله عليه وسلم même s'il n'avait pas d'argent, même s'il était faible, même s'il avait des problèmes physiquement. Et الضائع المنحرف الضال, celui qui n'a pas de وزن عند الله, c'est celui qui s'écarte du الدين مهما بلغ. فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يؤتى بالرجل السمين الضخم. يوم القيامة un homme il sera énorme physiquement. ولا يوزن عند الله جناح بعوض. عند الله سبحانه وتعالى quand il sera pesé dans la balance, il sera aussi léger que l'aile d'une mouche. لا يساوي عند الله شيء. Alors que في الدنيا c'était un homme avec un physique impressionnant, il a akhiré une bonne santé. عند الله ça sert pas à grand chose هذا, sauf celui qui se sert de la bonne santé et l'akhiré fi ta'atillah. Wa fil muqabil an-nabi صلى الله عليه وسلم akhbara 'an 'Abd Allah ibn Mas'ud abi 'Abd ar-Rahman as-sahabi al-jalil radiyallahu 'anhu annahu marra il est monté sur un arbre pour prendre 'ud al-araq pour faire as-siwak et le vent il a levé son qamis qalilan et 'Abd Allah ibn Mas'ud il était très fin, il avait des jambes très fines. Enfin, les gens qui étaient présents, ils ont souri. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à eux, pourquoi vous riez ou vous souriez? Ils ont informé à ces gens de l'akhirah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a juré أن سجم كفو فوي الآن تخفين عند الله elles sont أثقل من أحد elles sont plus lourdes que أحد يوم القيامة dans la balance les jambes de Abdallah ibn Mas'ud ces jambes فقط لماذا لأن Abdallah ibn Mas'ud il a fait الجهاد avec النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الصلاة avec النبي صلى الله عليه وسلم c'était من أعلم الصحابة بالقرآن il avait un très bon comportement il a أخره c'est ça qui pèse عند الله سبحانه وتعالى tout ça نستفيد أن السني il fait des efforts في العلم في العقيدة et fait attention de ne pas ressembler aux fussaq أنهم ils font beaucoup d'efforts que sur leur physique que le sport que كذا ils pensent beaucoup au physique بعضهم tu les trouves ils ont une عناية عجيبة بالأكل أنهم ils font des régimes أنهم ils disent qu'il ne faut pas manger telle chose ils regardent les ingrédients c'est un تعب في الحقيقة il y a des choses الأمر فيها سهل لكن بعضهم ils ont de la مبالغة في هذا ils exagèrent أنهم chaque chose ils détaillent dans la nourriture il ne faut pas acheter telle chose il ne faut pas إلى آخره et tu les trouves في العمل الصلاة tu vois sa صلاة elle est بعيدة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم alors que النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالسني fait des efforts في هذا pourquoi on cite هذا نحن لأن tu as qu'un cœur أخي الكريم si tu l'occupes avec le sport avec toutes ces choses de dunya, avec les régimes, avec toutes ces choses, tu auras un manquement fi din Allah Azza wa Jal. Celui qui fait des efforts fi din, fa inshaAllah, il sera guidé et il sera à la khair. Et la dunya, c'est jeune le mu'min. Les maladies, il y a beaucoup de choses que le mu'min il est éprouvé. Bien sûr, on fait des azbabs, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à nous, mais qu'il n'en exagère pas. On fait des efforts fi l'ilm. Celui qui fait des efforts fi l'ilm, il n'aura pas le temps de faire... des efforts tous les jours dans le sport maintenant. Le sport c'est fatigant. Ah, le sport c'est tayyib une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Yakfi. Celui qui a besoin. Ah, et al-ihtimam c'est bien. Sunnah. Tu trouves Ardenaz, ils ont des connaissances pointues dans certaines choses. Et on a ces choses, il n'y a pas une grande utilité. Que ce soit dans le domaine de la nutrition, ou le domaine du sport, ou le domaine. Il n'y a pas une grande. Robbamantal, avec internet, une minute tu fais une recherche, tu as la réponse que tu veux. What? Il s'est fatigué des années. Et tu le trouves, في المقابل, في دين الله عز وجل, pas beaucoup de connaissances. Pourquoi? لأن ce fondement, il n'est pas appliqué à l'ihtimam. L'ihtimam, c'est, vous connaissez le mot ham. Le ham, c'est le souci. C'est que ton souci, ta him, ce qui te préoccupe, c'est hada, c'est sunnah. Et on a cité l'exemple de la nourriture, et combien de chapitres, combien de situations on doit connaître maintenant. Tout ce qui est lié à l'aqidah, tout ce qui est lié au ibadah, tout ce qui est lié au mu'amalat. Tu prends le chapitre du commerce, un chapitre wasi', et tu trouves al-ba'd, ils font du commerce et ils connaissent pas grand chose de hadh al-bab, alors qu'ils doivent l'apprendre. Les annahum c'est des ahl-sunnah, ils font du commerce. Enfin, tu dois apprendre les règles du commerce, akhi al-karim. Qala rahimahullah, walidha kana as-salaf as-sabiqoun. من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة عند السلف المعيار c'est le ميزان c'est la base hey, tu te bases sur quoi pour prendre l'ilm d'une personne quelconque التمسك بالسنة s'il est accroché à la sunna c'est une علامة خير s'il n'est pas accroché à la sunna lui-même il n'applique pas il va faire profiter les autres كما قال إبراهيم النخعي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه السلف quand ils arrivaient عند الشيخ من المشايخ pour prendre العلم أولا ils l'observaient comment il fait الصلاة son apparence est-ce qu'il suit sunna s'ils voyaient que alhamdulillah il fait des efforts dans ses points, il a du ilm dans ses points, alhamdulillah, ils pourront profiter de lui. Tu trouves le ba'd al-an, ils veulent profiter de certains. Entabihou, même la langue arabe. La langue arabe, c'est du ilm. Et c'est la clé pour tous les ulum. Wa'adhoum, ils prennent had al-ilm min al-fasaqa, min al-mujrimin, min al-dullal. Et ils prétendent, c'est que la langue arabe. Salaf, ils faisaient très attention, c'est que la langue arabe, Obama, tu t'égares. Obama, il t'égare avec la langue arabe. Il te donne des exemples et « yuharrif al-sifat » ou « tata'athir bih » il y en a le professeur, il a un lien avec l'élève. Même la langue arabe, on l'évite. Alhamdulillah, le khayr, il est hasil, l'insan, s'il veut l'ilm, il doit faire les efforts pour l'ilm. Personne min ahl sunnah l'an il enseigne la langue arabe, on doit aller inda al-munharibin, et ba'dhum ashadd min dhalik, ils prennent l'ilm ou la yadroun. Ba'dhum ils savent anna fulan fihi kayt wa kayt min al-inhiraf wa dhalal, lakin tasahul, ils prennent les choses à la légère. As-salaf ils n'étaient pas hakada. Limada? لأنهم يسافك ستة الدين كما قال الإمام ابن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أي هذا العلم سد الدين même la langue arabe pourquoi on apprend la langue arabe نحن c'est pour le din et la langue arabe elle fait partie du din الآن فابن سيرين قال فانظروا regardez bien faites attention de qui vous prenez هذا الدين قال ويقول أحد العلماء إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالسلوي كي بخطن إمي الله سبحانه وتعالى يدوى سيفغ النبي صلى الله عليه وسلم. Tu comprends de ce verset أي celui qui suit par النبي صلى الله عليه وسلم alors qu'il peut apprendre alors qu'on lui a montré. فça montre أن في محبته لله عز وجل il y a un نقص. لأن celui qui aime الله سبحانه وتعالى il va suivre qui l'envoyé d'Allah سبحانه وتعالى. C'est pour ça que celui qui n'aime pas le prophète Mohammed, ce n'est pas un musulman. Il y en a celui qui n'aime pas le prophète Mohammed, il n'aime pas l'envoyé d'Allah, Azza wa Jal. Donc c'est du kufr, akbar. Le mu'min, il aime le Nabi, et il le suit. Pourquoi il le suit? Parce qu'il l'aime. Et ça, c'est wadih, c'est clair. Quand tu aimes une chose, tu la suis. Et quand tu n'aimes pas une chose, tu t'écartes. C'est pour ça que c'est très grave de détester une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est du kufr. Cheikh l'islam, il l'a cité fi nawaqid. Il y en a le mu'min. Comment il va détester une chose qui vient d'une personne qu'il aime? Mahadana. Khaas satan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mu'ayyid bil wahi. C'est pas comme les autres personnes. Tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, on doit l'aimer. Les mahadana, il y en a, ça fait partie de la révélation. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العلامة on a déjà vu ce mot plusieurs fois علامة c'est un signe فالعلامة que فلان من الناس il aime الله سبحانه وتعالى c'est son suivi du prophète محمد صلى الله عليه وسلم فplus الإنسان il suit le Nabi صلى الله عليه وسلم plus c'est un signe أنه il aime الله عز وجل et plus il a des faiblesses plus ça montre qu'il a des faiblesses في محبة الله عز وجل قال فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال يغسيتي quelques hadiths sur l'importance de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنقدر تسويغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي بطريقة التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية واجبة أو مندوبة المندوب أي المستحب قوله مندوبة أي مستحبة فالسنة سانغلوب جميع الدين عليكم بالسنة سيسويفغ النبي صلى الله عليه وسلم دون العقيدة دون أركان الإسلام dans tous les ahkam. Ne pas comprendre l'offre de sunna comme atlaqahu al-usuliyoun. Et va citer هذا. قال وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طاري إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب. علماء الأصول والفقهاء كذلك souvent ils citent, ils disent هذه c'est une sunna. هذا c'est صحيح. لفظ السنة يطلق pour différencier entre الواجب أو الفرض. C'est la même chose, al-wajib ou al-fard, et l'obligation, et al-mandoub, quelque chose de recommandé. Enfin, al-mandoub, ils l'ont appelé sunnah. Donc, maintenant, on dit salat al-duhur, c'est fard. Et on dit maintenant, salat al-duha, c'est une sunnah. Et salat al-duhur, c'est obligatoire, salat al-duha, c'est recommandé. Kadhalik, le mot sunnah, ahyanan, il est cité, ça englobe jami' al-din. Maintenant, qawla Nabi sallam, fa'alaykum bi sunnati. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait salat al-duhur? Naam. Il nous a ordonné de faire salat al-duhur. Salat al-duhur, ça fait partie de sunnah. Lakin le mot sunnah est qui englobe jami' al-din. Comme qala al-imam al-marwahari rahmatullah alayhi, y'alam anna l'islam huwa sunnah wa anna sunnata hiya l'islam. Au début de sharh sunnah, qala sache, y'alam anna l'islam c'est sunnah et sunnah c'est l'islam. Naam. Lakin on sait, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, quand il parle de l'ahkam, aïe pour différencier avec le fard. Et le but, هنا, c'est as-sunna, aïe jami' al-din. Fas-sunna, bilisan al-shari'i, da utliqat yuradu biha al-tariq, al-tariqa al-shari'iyya, lati kana alayha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, fi ibadatihi, wa muamalatihi, wa akhlaqihi, wa harakatihi, wa sakanatihi. Ça englobe jami' al-din. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son din. يقول عروة بن الزبير رحمه الله السنن السنن فإن السنن قوام الدين أي يلزم السنن فإن السنن قوام الدين وكان ابن عمر رضي الله عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك كما أخرجه أبو نعيم وغيره. ابن عمر رضي الله عنه كان معروفا بالاقتداء وبالاتباع. Il faisait beaucoup d'efforts dans le suivi du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. ويقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاء. أثر جميل يحفظ هذا يعني très court et فيه فوائد عظام. كان من مضى من علمائنا الإمام الزهري رحمة الله عليه pour le citer dans le temps c'est un des mashayikh de l'imam Malik رحمة الله عليه. Il était avant l'imam Malik. Il est venu la période après الصحابة رضي الله عنهم. فكان يقول كان من مضى من علمائنا أي les savants qui étaient avant nous أي من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم. يقول الاعتصام بالسنة نجا. Celui qui veut être sauvé يعتصم بالسنة. Il s'accroche à la sunna. والإمام مالك رحمة الله عليه un de ses élèves de l'imam الزهري كان يقول السنة كسفينة نوح من ركبها نجا. Il a fait ressembler à sunna au bateau de Nuh, al-safina. Celui qui veut être sauvé comme à l'époque de Nuh, celui qui voulait être sauvé min al-tufan, min al-ma, il devait monter sur la safina, sur le bateau avec Nuh. Fa hakada, celui qui veut être sauvé de l'égarement, des bid'ah, des khurafat, il suit al-sunna fiha naja bi'idhnillah azza wa jalla. Qala wa lil-ihtimam bis-sunnati fawaid kathira la tuhsa. Beaucoup de fawaid de suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي. أولا الناس الإنسان يفدفق في السنة فسين علامة أن الله سبحانه وتعالى يحبه. Donc plus الإنسان يفدفق في السنة plus الله سبحانه وتعالى يلمغى. قال كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. If it is for حتى في النوافل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يحبه. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض. هذه فائدة عظيمة. أن من فوائد السنة أن si tu as un manque ou tu as eu un manque في الفرائض dans les obligations. Et ça arrive. Des manques في الصيام, des manques في الصلاة, des oublis, des erreurs, des choses que tu as fait par ignorance. Muhim, la salat ou le siyam ou le hajj, il y a eu des imperfections. Tu complètes cette imperfection avec un nafila, avec ittiba' as-sunnah. Qala li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salat. فيقول الله لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها. فالله سبحانه وتعالى يدير الملائكة عبدي est-ce que sa salat elle est complète ou il y a des manques. فإن كانت تامة كتبت له التامة. C'est elle est complète, alhamdulillah, elle est écrite complète, elle est écrite complète. وإن كان انتقص منها شيئا قال تعالى. S'il y a un manque dans cette salat, فالله سبحانه وتعالى يقول انظروا هل لعبد من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه. فائدة عظيمة. سيما الله سبحانه وتعالى يدعو ملائكة prenez de ces نوافل qui sont fondées sur السنة et complétez avec الفريضة. ومنها من الفوائد أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا. لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. الحديث قال صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. La récompense de 50 parmi الصحابة رضي الله عنه. أي النبي صلى الله عليه وسلم informé أن des gens ils vont venir après son époque. أي la génération du prophète صلى الله عليه وسلم et des compagnons et ils vont s'accrocher à sunna. Ça sera difficile. Ils seront في غربة. Et النبي صلى الله عليه وسلم informé أنهم ils auront أجر 50. La récompense de 50. Ça ne veut pas dire qu'ils dépassent les sahaba fi al-fadl wa al-ajr. Là. Lakin, la récompense elle est multipliée et c'est difficile et ils seront fi ghurba wa illa fa fadl as-suhba. Personne ne peut les dépasser abadan ou les égaler. Haoula Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour nusrat nabiyhi wa dinihi sallallahu alayhi wa sallam. وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Certains سلف حتى في السنن c'était pas des obligations كانوا يشددون أي conseillaient et faisaient attention que les gens ne délaissent pas. Pourtant c'est pas obligatoire. لماذا؟ لأن celui qui délaisse النافلة c'est une porte ouverte pour délaisser l'obligation. كم من الناس faisaient des نوافل في الصلاة ثم ils ont délaissé ثم ils ont touché aux واجبات ils font plus à l'heure ils font plus en جماعة ثم حتى à la fin ils touchent في أصل العبادة. إما ils la font plus à l'heure إما ils la font mal إما ils la font plus complètement. لهذا السلف ils s'amènent pour préserver le din préserve les نوافل. نوافل في الحقيقة c'est un rempart, c'est une protection pour préserver الأصل. أما celui qui a plus cette protection ربما يتساهل حتى في الواجبات. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre à la légère النوافل فيها فوائد عظيمة. Et منها أن بإذن الله عز وجل ça préserve الفرائض. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. Celui qui délaisse le witr, ça montre قوة تمسكه رحمة الله عليه بالسنة. حتى le witr, celui qui délaisse le witr عند الإمام أحمد كان يقول أنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة, أنه on accepte pas son témoignage, مع أن الوتر c'est une sunna, sunna مؤكدة, c'est pas obligatoire, لكن c'est une sunna مؤكدة, très très recommandée. Et on fait attention de ne pas ouvrir al-bab, comme ils ont fait بعض الناس, أنهم يقولون c'est qu'une sunna, c'est qu'une sunna, c'est qu'une sunna. Là, c'est qu'une sunna فيها أجر عظيم. بعض الناس, vous avez remarqué qu'ils se comportent avec sunna comme si c'était quelque chose de pas bien. C'est qu'une sunna, et كأنه il faut pas la faire. مع أن فيها أجر عظيم. ربما cette sunna, c'est la cause que tu sois sauvé يوم القيامة. Robama, c'est la cause que Al-Mizan il balance du bon côté avec ses sunan. Et qu'est-ce que tu perds? C'est que du bénéfice pour le mu'min. Et كذلك, le mu'min qui aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne se pose pas cette question. On a donné l'exemple des fasaqa. Ils suivent leur modèle, iyadam billah, dans tout. Pourtant, ce n'est pas une obligation, ben c'est haram. Lakin, c'est quoi qui les pousse? C'est Al-Mahabba. Ils aiment leur modèle. C'est pour ça que Ba'adhum, ils font des sacrifices. Min al-mal ila akhri. Si tu lui dis que ce n'est pas obligatoire, Houa, il ne connaît pas obligatoire Amla. Houa, il te dit, moi je l'aime et c'est devenu le but de sa vie, iyadam billah. Ils les suivent dans tout. Nahnu, on aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mahabbatan shar'iyya. Sans dépasser les limites. C'est un Nabi, c'est un Rasoul, c'est un Abd. On l'aime et on le suit, bi qadr al-istita'a. Et on fait attention, c'est choubah. C'est qu'une sunna, c'est qu'une sunna. قال فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وتعليمه للناس لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيا السنن. Celui qui fait revivre une sunna فله أجر عظيم, له أجر من فعل هذه السنة. Celui qui fait revivre une sunna dans un endroit et les gens ils appliquent cette sunna, tous ceux qui font cette sunna, falahu al-ajr. Alhamdulillah. Amma, ceux qui disent c'est qu'une sunna, ou ils prennent à la légère, ils se font du mal. Et, fal haqiqa, des hassanats très simples, ils ne les prennent pas. Et vous avez remarqué que fil dunya, on ne fait pas hakada. Fil dunya, matalan, si tu travailles dans un endroit et il te passe le mal, le wajib, si on peut appeler mal, wajib, ton salaire, tu as travaillé tant d'heures, ça paye ses tendeurs. S'il te rajoute, on ne dira jamais là. On ne dira jamais là. Là. On veut que ce que j'ai travaillé. Le reste, on n'en a pas besoin. Ah putain, il y a la dunya. Et بعض الناس, ils se comportent في الدين هكذا. Ils font le minimum. ثم le reste, فيه أجر عظيم إلى آخره. Ils disent là, là, c'est qu'une sunna. Et هؤلاء, c'est des جهال. أما ولله الحمد. أهل السنة السلفيون. Ils font des efforts pour poursuivre le Nabi صلى الله عليه وسلم. Tout ça c'est fondé sur l'ilm, ya jama'a. Il y a un autre problème, ils aiment le sunnah. Lakin, ils font des choses qui contredisent le sunnah. Limada, li'anna al-jahl. Pour suivre le sunnah, il faut l'apprendre. Il faut apprendre dans l'ordre des livres d'aqidah. Tu apprends al-tawhid, tu apprends al-fiqh, kitab al-tahara, comment faire l'oudou, kitab al-salah, kitab al-zaka, wa hakada. Hatta, incha'Allah, tu apprendras des bases dans السنة. كذلك الدعوة. Celui qui a des connaissances في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, il fait الدعوة à cette سنة. Chacun selon ses capacités. Et هذا on l'a expliqué ولله الحمد ensemble dans le fondement sur الدعوة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.